بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on va continuer, inshallah, sur l'étude du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Et donc on est toujours sur l'étude du chapitre concernant l'attribut lié à ce qu'on nomme el-ilm, la science et le savoir. Donc dans la dernière allocution, on avait parlé, on avait expliqué le sens du terme el-ilm, et donc on avait expliqué que Allah Jalla wa Ala était celui qui détenait la science parfaite et éternelle, et c'était celui, subhanahu wa ta'ala, qui sa science englobe tout, et celui dont rien n'échappe, subhanahu wa ta'ala. Et donc on avait dit que l'imam al-Bukhari, au début de ce chapitre, avait utilisé des passages du Coran en guise d'intitulé de titre à ce chapitre, et il a mentionné différents versets sous-entendant ici la perfection de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah jalla wa ala était le détenteur de ce savoir qui est le savoir de l'inconnu, le savoir de l'invisible. Et c'est pour ça que dans la dernière allocution, on avait dit que les clés de l'invisible, de tous les mystères, sont au nombre de 5, et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à les connaître. Et on avait dit, à travers l'étude de cet attribut de perfection qui dénote la perfection de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, l'attribut de la science, du ilm, en arabe, on avait dit que les fruits et les profits de cette étude sont immenses et indénombrables. Et parmi les fruits de cette étude, le fait que cette connaissance-là nous mène à ce qu'on appelle l'istiqama. Et dans l'assise ou dans l'allocution précédente, on avait expliqué le terme l'istiqama, le fait de cheminer sur la droiture, et le fait d'observer les commandements et les ordres de notre Seigneur, et d'éviter et de s'abstenir de toute forme d'interdit. Et de ce fait, l'istiqama, qu'on traduit de manière littérale, la droiture, eh ben, ça c'est le fruit, et ça fait partie des profits liés à l'apprentissage et à la connaissance de cela. Et c'est pour cela que le Cheikh, le commentateur de ce livre de l'unicité de l'Bukhari, dont on s'appuie ici pour les commentaires et les explications, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Athaymin, a bien souligné ce point et a donné toute l'importance et le fait d'être attentif à cette chose, qui est qu'à travers l'apprentissage et le savoir, ce qu'on est en train d'apprendre, cela doit nous mener à cette réflexion, doit nous mener à l'istiqama, à la droiture. Il avait bien souligné que cette droiture, qu'elle soit à travers nos convictions, ou bien qu'elle soit à travers nos propos, ou bien à travers nos actions. Donc ça, c'est très important. Et donc, on avait illustré cela dans la dernière allocution. Et ensuite, on avait parlé de la science donc de l'inconnu, ce qu'on appelle al-ghaib, la science de l'inconnu, et que Allah, Jalla wa Ala, est celui qui détient les clés de l'inconnu. Et on a dit que cette science de tous les mystères, qui est mystérieuse pour nous, qui est un mystère pour nous, qui fait partie des choses de l'invisible et inconnu pour nous, eh bien Allah Jalla wa Ala est le seul à détenir les clés de l'inconnu. Et pour cela, on avait dit que cette science de l'inconnu, de l'invisible, on appelle en arabe al-ghayb. On avait dit qu'elle se compose de deux catégories. On avait dit la science de l'inconnu dans son absolu, c'est-à-dire quelque chose qui est invisible dans son absolu, et on avait dit lorsque cela, la deuxième partie, est relatif et proportionné. Et donc on avait expliqué dans la dernière allocution la différence entre les deux, et en ce qui concerne ce sujet qu'on est en train de traiter et d'étudier concernant les clés de tous les mystères et de l'inconnu, ça c'est relatif à l'inconnu dans l'absolu, comme on avait précisé cela dans l'allocution précédente. Donc on va continuer, bi'idhnillahi ta'ala, avec la permission d'Allah. C'est pour cela que, pour continuer sur ce sujet, alors il nous faut naturellement revenir à l'explication donc des versets qu'on a commencé à expliquer dans la dernière allocution. Et justement, on avait dit que le fait qu'Allah Jalla wa Ala est le connaisseur et le détenteur des clés de l'inconnu, on avait dit que cela est aussi bien stipulé dans le Coran que stipulé dans la tradition aussi prophétique authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'on avait mentionné premièrement le verset du Coran qui stipule que Allah Jalla wa Ala détient plutôt les clés du mystère, de l'inconnu. Al-Ghayb, c'est ce terme qu'on traduit de cette manière, il faut rester sur le terme en arabe, Al-Ghayb. Et donc Allah Jalla wa Ala dit dans le verset 59 de Surat Al-An'am, des bestiaux, il dit « Wa indahu mafatihul ghayb » et Allah, à lui appartient les clés du mystère, de l'inconnu si vous voulez. Et Allah Jalla wa Ala nous dit justement que seul connaît, à la connaissance de cela, lui. Personne d'autre en a la connaissance. Et dans le même verset, dans le verset 59, Allah Jalla wa Ala nous dit « وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ » Et Allah est celui qui sait ce qu'il y a dans la terre et en mer. Tout ce qui se produit et ce qu'il y a sur terre, Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. Et aussi tout ce qu'il y a dans les profondeurs de la mer et des océans, Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. Ensuite, dans le même verset, Allah dit « وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ » وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et Allah Jalla wa Ala continue en nous disant « Et il n'y a pas une feuille qui tombe, ne serait-ce une feuille qui tombe sans qu'Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Et vous avez vu, de tous ces arbres, de toute cette végétation qu'il y a sur terre, il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Et il n'y a pas un grain dans l'obscurité de la terre sans qu'Allah en ait la connaissance. Ni humidité, ni quelque chose de sec sans que cela soit mentionné dans un livre explicite. Donc ça, c'est une traduction relative du sens du verset 59 de Surat Al-An'am, des bestiaux. Donc vous avez dans cette sourate, dans ce verset, Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il est le détenteur des clés de l'inconnu et du mystère. Et seul en a la connaissance, lui, subhanahu wa ta'ala. Donc tout musulman et toute musulmane doit connaître cela. Et Allah nous enseigne aussi dans ce verset qu'il n'y a rien qui se produit ou se passe ou qu'il y ait sur terre ou bien en mer, dans les océans et dans les profondeurs des océans, sans qu'Allah Jalla wa Ala le sache. Nulle feuille ne tombe sans qu'il le sache. Et il n'en. Et aussi, on avait dit, il n'y a point de grain dans les entrailles de la terre aussi, sans qu'Allah Jalla wa Ala ne sache. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un impératif qu'il incombe à chaque croyant de connaître. Et Allah Jalla wa Ala nous mentionne cela dans ce verset, et donc ça nous exhorte, ça nous incite à comprendre cela, et ça nous donne vraiment, ça illustre vraiment ici l'immensité de la connaissance de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc après avoir fait un rappel sur un bref résumé de ce qu'on a appris dans la dernière allocution, ensuite on avait terminé avec un rappel dans la dernière allocution relative à ce qui se passe après la mort pour le croyant. Donc là, on va, sans plus attendre, continuer sur l'explication de ces cinq, ce qu'on appelle les cinq clés. Donc on a dit premièrement l'évocation de ces cinq clés de la connaissance de l'inconnu et des mystères qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul détenteur, exalté soit-il. Et bien on a dit que c'est aussi bien mentionné dans le verset 59 dans la sourate des bestiaux, vous pouvez vous y référer, inshallah. Et aussi on avait dit que c'est mentionné aussi dans la sunna du prophète, dans un hadith où que le prophète le stipule clairement aussi. Il dit « Mafatihul ghaib khams la ya'lamuha illallah » Les clés de l'inconnu sont au nombre de cinq, seuls les connaît Allah Jalla wa Ala. Et donc, on avait dit que dans un verset, et même dans d'autres textes aussi, ces cinq clés-là sont mentionnées et sont détaillées. Et c'est pour ça qu'hier, on avait terminé sur l'explication du verset où qu'il y a la mention de ces cinq clés-là. On a dit premièrement, les cinq clés de la connaissance de l'inconnu. Alors premièrement, c'est la connaissance de l'heure. Quand est-ce que viendra l'heure et la fin du monde. La deuxième, on avait dit, c'est la connaissance du moment où descendent Al-Ghayth. Al-Ghayth, c'est la pluie, on l'expliquera. Donc c'est la descente de la pluie. On avait dit la troisième clé ici, c'est la connaissance de ce qu'il y a dans la matrice de la mère ou bien dans l'utérus. Ensuite, quatrièmement, que l'individu ne sait pas ce qu'il obtiendra demain. Et cinquièmement, l'individu ne sait pas en quelle terre il décédera, il mourra. Et donc maintenant, on va essayer de comprendre. On avait dit que maintenant, le Cheikh va nous expliquer chacune d'entre elles en détail pour qu'on puisse comprendre avec les nuances. Donc premièrement, en ce qui concerne la connaissance de l'heure, donc ça on l'avait expliqué dans d'autres allocutions et d'autres assises. Et comme vous le savez, comme chaque musulman le sait, personne n'a la connaissance de l'heure si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que personne ne peut prédire cela. Personne ne peut prétendre connaître clairement quand est-ce que viendra la fin des temps et quelle est la date de la fin de ce monde et du début de l'au-delà. C'est pour ça qu'on avait dit pourquoi on appelle ça une clé. Pourquoi? Parce que la fin du monde, c'est le début de l'au-delà. Donc, c'est la clé pour le début de la vie de l'au-delà. Et on avait explicité cela. Cheikh Al-Athami nous avait bien expliqué cela. Dans son commentaire ici, on a traduit cette partie. Hier. Donc, on va continuer. Donc, remarquez bien qu'ici, donc, le début de l'au-delà, donc, c'est la fin de ce monde. Pour cela que la connaissance de cette chose qui est inconnue pour nous, c'est un mystère, et ça fait partie, donc, du monde invisible pour nous, alors, Allah, Jalla wa Ala, lui seul en a la connaissance. Celui qui essaye de prétendre avoir la connaissance de cela, alors il s'associe à Allah Jalla wa Ala dans une chose qui est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut s'associer à lui dans cela. Et nul donc peut prétendre cela. Et Allah Jalla wa Ala, il est le détenteur de cette clé. Et lui seul en a la connaissance. Deuxièmement, ensuite, Allah Jalla wa Ala, dans le verset, nous dit que وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ Allah est celui qui fait descendre la pluie. Donc, Al-Ghayth, le terme en arabe, Al-Ghayth, c'est ce qu'on traduit par la pluie. On aurait pu utiliser le terme plutôt Al-Matar, qui veut dire aussi la pluie. Sauf que ici, dans ce verset, il est mentionné Al-Ghayth, et vous allez trouver dans d'autres récits, il est mentionné Al-Ghayth, comme il est mentionné Al-Matar. Al-Matar, qui est connu comme étant la pluie. Sauf que Al-Ghayth, c'est quelque chose de plus général, et le terme est très subtil. Pourquoi? Parce qu'à la base, en arabe, le terme Al-Ghayth, c'est une sorte de secours. Lorsque on est en détresse, on est dans une situation compliquée et difficile, donc Al-Ghayth serait le secours. Et ici, il vient dans le sens de la pluie. Pourquoi? Parce qu'en temps de difficulté, comme la sécheresse ou en temps de famine, de sécheresse, alors cette pluie qui descend est une libération. Et c'est une miséricorde et c'est une bénédiction pour les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes, à la base, mangent de ce que cette terre, de ce qui pousse de cette terre, de ses fruits, de cette végétation, de ses légumes et autres. Donc c'est pour cela que le fait qu'il y ait de longues années sans qu'il y ait la descente de la pluie, cela est un malheur. C'est une calamité pour, pour les croyants. Et c'est pour cela qu'ensuite, et pour les gens d'une manière générale, ainsi aussi pour les non-croyants. Donc pour les gens d'une manière générale, lorsqu'il y a des périodes où qu'il n'y a point, il n'y a pas de pluie, eh ben, c'est un malheur. C'est un malheur aussi bien pour les récoltes, pour les agriculteurs, pour les êtres humains. Pourquoi ? Parce que cette pluie-là est cause. Est cause pour qu'il y ait l'existence de fruits, de légumes, de cette alimentation dont vivent et s'alimentent les êtres sur cette terre. C'est pour cela que lorsqu'il y a des périodes de sécheresse, lorsqu'il y a des périodes où il y a eu interruption de la descente de la pluie, on avait dit que c'est souvent ça, c'est cause de catastrophe. Alors, lorsque descend cette pluie ensuite, c'est comme une sorte de libération, comme une sorte de libération. Pour cela, d'où le terme El-Reith. C'est pour bien qu'on comprenne le terme El-Reith. Pourquoi ? Et Shir Ben Athaymin lui-même, dans un autre commentaire, il explique pourquoi ici le terme El-Reith est mentionné et on aurait pu utiliser le terme El-Matar. Pourquoi ? Parce que parfois, ce n'est pas toutes les pluies qui vont être cause de la poussée de ces plantations, de ces végétations, de ces fruits, de ces légumes, de tout ce que l'homme a besoin. Parfois, une pluie, par exemple, ne va pas être forcément la cause de la dissipation de cette sécheresse, si une terre est touchée par une sécheresse ou autre. Par contre, El-Reith, lorsqu'on parle de El-Reith, le terme est plus général, donc c'est une subtilité ici. Là, il y a vraiment une sorte de libération. Si vraiment une terre est touchée de sécheresse ou autre, eh bien, avec la descente de El-Reith, ça sera une sorte de libération. Et là, les hommes, donc, vont bénéficier du bien de la descente de cette pluie. C'est pour ça que El-Reith, ici, on le traduit aussi, c'est la pluie, mais il y a une subtilité entre El-Matar aussi qui veut dire la pluie. Vous trouvez dans d'autres textes, c'est El-Matar qui était mentionné. Pourquoi ? Parce que El-Reith, ici, a le sens de la pluie, juste qu'on a évoqué une subtilité entre les deux termes. C'est pour ça que vous pouvez voir, par exemple, souvent, vous allez trouver dans certains pays, dans les pays musulmans, lorsqu'il y a un manque de pluie, et lorsque ça fait une période qu'il y a eu une interruption de la pluie, vous allez voir que parfois les imams demandent et implorent Allah Jalla wa'ala pour qu'il fasse descendre la pluie. Et c'est ce qu'on appelle « talab al-reith ». C'est pour ça que vous trouvez souvent, par exemple, l'imam, que ce soit les imams de la Mecque, ou bien de Médine, ou d'autres pays, parmi les pays concernant les contrées musulmanes, vous allez trouver que les imams, ça peut se faire le vendredi, par exemple, après la khutbah, la fin de la khutbah pendant les invocations, l'imam va demander ce qu'on appelle al-reith, en disant « Allahumma arifna ». Et ça, c'est ce qu'on appelle la demande de la pluie. C'est pour ça qu'elle fait partie de la sunna. Si l'imam demande la pluie et fait justement cette imploration et invoque Allah Jalla wa'ala pour qu'il fasse descendre la pluie, donc il va lever les mains. À ce moment-là, ceux qui assistent au prêche, au serment du vendredi, lorsqu'ils voient que l'imam demande la pluie en disant Allahumma arithna, et donc il lève les mains, à ce moment-là, les fidèles peuvent lever les mains avec l'imam. À ce moment-là, les fidèles peuvent lever les mains, ils lèvent les mains avec l'imam. Différemment, d'une manière générale, que lorsque l'imam finit son prêche et donc il fait des invocations, il invoque Allah, à ce moment-là, il n'est pas dit qu'il faille lever les mains. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous est pas rapporté que le prophète, sallam, lorsqu'il y avait les invocations qui étaient faites, qu'à l'époque, les compagnons levaient les mains. Ce n'est pas quelque chose qui nous est rapporté donc du prophète, sallam, que les fidèles doivent automatiquement lever les mains lorsque l'imam invoque et fait des invocations. Par contre, à ce moment donné, précis, dans cette situation bien précise, où l'imam demande la pluie, parce que c'est une période, il y a eu une interruption de la pluie ou pas assez de pluie, et du fait qu'on sait que cela appartient à Allah, Jalla wa'ala, et celui qui prédestine tout, et que cette pluie vient de lui, subhanahu wa ta'ala, alors s'il demande, par exemple, l'imam le jour du vendredi, là on peut lever les mains avec lui pendant qu'il demande la pluie. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on va bien essayer de comprendre le fait qu'Allah Jalla wa'ala est celui qui fait descendre la pluie. « Wa yunazzilu al-ghayth » comme Allah dit dans le verset. Quel est le sens de cela ? Dans le verset, Allah dit, je vous le traduis littéralement, « Et Allah fait descendre la pluie. »« Kayfa ja'ala tanzil al-ghayth wa huwa fi'lun ja'alaha fi dhimn al-ma'lumat al-ghaybiyya » Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que Allah Jalla ici dans ce verset nous dit qu'il fait descendre la pluie. Mais cette descente de la pluie, donc on a dit le fait qu'il fasse descendre la pluie, c'est une action. Mais Allah Jalla, cette action-là, il l'a mêlée parmi des informations concernant la science et le savoir de l'inconnu et de l'invisible, parmi ces mystères-là. Donc on a dit qu'Allah Jalla est le détenteur des clés de l'inconnu. Et parmi ces cinq-là, Allah Jalla a cité une action. L'action de faire descendre la pluie. Allah dans le verset n'a pas dit, par exemple, et Allah a la connaissance de la descente de la pluie. Là, le terme Allah a la connaissance de la descente de la pluie, donc là, c'est clairement lié à la connaissance. Mais là, Allah Jalla a mentionné l'action. Allah fait descendre al-ghayth. Donc pour comprendre cela, ce qu'il faut savoir. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui a créé, alors il a forcément la connaissance de ce qu'il a créé. Donc le créateur a la connaissance du créé. Et de ce fait, le shir nous explique pourquoi Allah Jalla a mentionné l'action dans le verset. Pourquoi? Parce que comme il est le seul à faire descendre cette pluie-là, donc forcément Allah Jalla est le seul à avoir la connaissance quand est-ce que cette pluie va tomber. Et li anna ilma an-nuzul ou ilma nuzul al-ghayth 'inda man yunzil al-ghayth lakin ja'at al-ayatu hakadha. Li anna ilma nuzul al-ghayth 'inda man yunzil al-ghayth. Pourquoi? Parce que Shir nous dit que la science de la descente, donc de cette pluie, elle est connue pour celui qui l'a fait descendre et donc pour celui qui a créé cette pluie. Donc il dit le verset est venu comme cela. Lorsqu'Allah a mentionné la pluie, donc il a mentionné que c'est lui qui l'a fait descendre, subhanahu wa ta'ala. لأن إنزال المطر الذي به الغيث لا يكون أبدا إلا من الله جل وعلا. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la descente de la pluie ne provient que de lui, subhanahu wa ta'ala. لا يكون أبدا إلا من الله. Elle ne provient que du Seigneur et du Créateur de cette pluie, subhanahu wa ta'ala. Donc, si on a compris cela, donc maintenant, il y a des distinctions à prendre en considération et certaines nuances. Donc lorsqu'on a compris que Allah Jalla est celui qui fait descendre la pluie et celui qui a la connaissance du moment où les pluies descendent. Ce qu'il faut savoir et faire la distinction, c'est maintenant en ce qui concerne les prévisions météorologiques, en ce qui concerne la météo. Donc le fait de faire des prévisions et le fait par rapport à l'observation du ciel et des nuages, par rapport à l'observation de l'atmosphère. Donc, le fait de faire des prévisions, cela ne veut pas dire avoir la connaissance. Premièrement, cela ne veut pas dire être créateur de la pluie. Le seul créateur est Allah, Jalla de cette pluie. Et cela ne veut pas dire avoir la connaissance de à quel moment Allah, Jalla décide de faire descendre les pluies, comme on va l'expliquer dans ce qui va suivre. Donc, le cheikh ici va nous expliquer la nuance entre cela et cela. Il nous dit, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, comment comprendre le fait de faire des prévisions météorologiques? Il dit, à tel moment. Il dit, par exemple, certains diront après les prévisions, demain, dans telle et telle terre, ou bien dans telle et telle position géographique, dans tel pays ou dans telle ville, eh ben, il y aura descente de la pluie. Que ce soit, il dit, en après-midi ou bien en début de journée, ou ma ashbaha dhalik. Et autre exemple. Alors il dit, on répond, la réponse est de deux aspects. Ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre deux choses. Al-wajh al-awwal, il dit premièrement, anna hada mabniyun ala amrin mahsous. Fa inna al-jaw yataghayyar wa yatakayyaf ala wajhin yu'lanu bil alat ad-daqiqa annahu muhayya lil matar aw ghayr muhayya. وإذا كان كذلك فليس من أمور الغيب. ثانيا يقول أن هذا الذي يقولونه قد يخطئ كثيرا ولو كان علم غيب ما أخطأ لأن العلم ليس فيه خطأ. علم الغيب ليس فيه خطأ، فقد يخطي هذا الذي يتكلم في الطقس. C'est pour ça que Cheikh il dit premièrement, il nous explique que le fait de faire des prévisions, ce sont que des prévisions. Et il dit ça, c'est mabni ala amrin mahsous. Donc c'est bâti, ces prévisions-là et cette connaissance-là, elle est bâtie sur quelque chose de perceptible. Et cela est par rapport à l'observation du ciel, des nuages, par rapport à l'observation de l'atmosphère, du temps. Alors là, il y a des prévisions qui sont faites, bien sûr, avec des outils modernes, avec des moyens modernes pour l'observation justement du ciel, des nuages, et ensuite pouvoir donner ses prévisions et dire que demain, dans tel pays, dans telle ville, il y aura descente, par exemple, de pluie. Il y aura des pluies fortes ou ils s'attendent à une tempête ou autre. Sauf que ça, c'est quelque chose qui est lié à quelque chose de perceptible. C'est selon leur observation et c'est selon ce qu'ils vont percevoir du temps, ce qu'ils vont observer à travers les nuages et autres. À savoir que, donc, il y a des causes pour la descente de la pluie, mais Allah Jalla wa Ala, lui, sait à quel moment il va faire descendre ses pluies, subhanahu wa ta'ala. Allah sait quand est-ce que vont descendre les pluies. Les êtres humains, eux, observent le ciel et voient quand il y a peut-être, ils font la prévision, peut-être, quand est-ce que descendra la pluie. Mais Allah Jalla wa Ala, avant cela, avant que les gens puissent faire ces prévisions-là, Allah savait et sait quand est-ce que les pluies descendront, puisque Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui prédestine tout cela, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que, par exemple, que cet été, et là on va donner des exemples clairs pour bien comprendre, que cet été, il va y avoir par exemple une sécheresse. Personne ne le sait. Est-ce que cet été, il y aura de nombreuses pluies? Personne ne le sait. Est-ce que cet été, il y aura l'interruption de pluie? Personne ne le sait. Est-ce que par exemple, il y aura la descente de la pluie le 15 juillet? Les gens ne le savent pas. Est-ce que le 20 juillet ou bien le début du mois d'août, il y aura la descente de la pluie? Les gens ne le savent pas. Par exemple, pour le pèlerinage, lorsqu'aura lieu le pèlerinage, est-ce que le jour de Arafat ou le jour de, par exemple, lorsque les gens vont stationner à Mina, est-ce qu'il va faire, il va faire chaud, il y aura des fortes chaleurs, ou est-ce que ça sera des jours où il va pleuvoir, il y aura la descente de pluie? Ça, personne ne le sait. Donc, vous avez vu, c'est Allah Jalla wa Ala qui en a la connaissance. Est-ce que, par exemple, ces pluies, lorsqu'elles descendent, si, par exemple, le jour de Arafat, lorsque tous les musulmans vont se rassembler pour l'accomplissement du pèlerinage, est-ce qu'il y aura des pluies fortes ou non? Est-ce qu'il y aura une tempête ou non? À l'heure d'aujourd'hui, personne n'en a la connaissance. Pourquoi? Parce que ça, c'est ça ce qu'on appelle l'inconnu. Tout cela, c'est inconnu. Et malgré tous les progrès modernes, malgré l'évolution de la science moderne et des nouvelles technologies, on ne peut pas savoir ces choses-là. Par contre, en observant le ciel avec les nuages, en observant l'atmosphère et les conditions, comme on les appelle, atmosphériques, là, on peut prévoir. On peut prévoir, par exemple, que demain, il y aura peut-être la descente de pluie. En tout cas, en observant les conditions atmosphériques, on peut prévoir, par exemple, une tempête. On peut prévoir des fortes pluies, des pluies diluviennes ou autres. Donc ça, c'est à l'aide d'outils, à l'aide d'outils modernes, à l'aide de l'observation. C'est pour ça que Cheikh dit, ça reste une science basée sur quelque chose de perceptible. Quelque chose de perceptible. Donc, à l'aide d'observation, de cette manière-là, on peut prévoir, faire des prévisions. Sauf que ces prévisions-là, on les lit toujours. Donc, le fait de faire des prévisions météorologiques, déjà, en parlant du statut, cela n'est pas interdit. Cela n'est pas interdit. En observant plutôt les conditions atmosphériques, de dire que ce soir ou bien demain, en début de journée, il peut y avoir des centres de pluie, par exemple, cela n'est pas interdit en soi. Par contre, il faut les savants nous disent qu'il faut lier cela à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant Inch'Allah, si Allah le veut. Pourquoi? Parce que ça reste des prévisions. C'est pour ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la réponse, Cheikh nous dit, et cela ne fait pas partie de la connaissance de l'inconnu et de l'invisible, des mystères. Pourquoi? Parce que ces prévisions-là restent quand même assujetties à des erreurs. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait des prévisions, c'est pour cela même qu'on appelle ça des prévisions. Et donc c'est assujetti à des erreurs. C'est pour cela que parfois, on est certain, après l'observation des conditions atmosphériques, qu'il y aura la descente, par exemple, de pluie diluvienne et de tempête, alors qu'en réalité, la réalité sera différente. Et donc, il y a des erreurs parfois. Et donc, s'il y a erreur, donc cela veut dire que ce n'est pas une science certaine. Ça reste des prévisions. Donc, ce n'est pas, comme on dit, une science exacte. Donc, ça ne fait pas partie de la science de l'inconnu. Donc, ça, il faut bien faire la distinction lorsqu'on dit qu'Allah Jalla est celui qui fait descendre les pluies, et Allah Subhanahu wa Ta'ala est celui qui connaît cela. Quand est-ce que les pluies descendent? Allah Jalla, par exemple, comme on a dit précédemment, si il décrète que cet été, il y aura la descente de pluie, ou bien l'hiver prochain, par exemple, Allah a décrété qu'il y aura une sécheresse dans une partie du monde, ça sera une partie du monde où il y aura une sécheresse et les gens vivront par exemple pendant une année dans cette sécheresse. Personne ne peut prédire cela, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les êtres, eux, par rapport aux outils modernes, peuvent prévoir en observant les conditions atmosphériques et l'évolution des conditions atmosphériques, en observant cela, peuvent prévoir. Mais ils n'ont pas la science exacte de ce qui se produira par rapport à cela. Voilà, ça c'est une nuance très très importante à prendre en considération et à savoir. Le seul qui en a la connaissance réelle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et en l'occurrence, juste après, on a un autre exemple très pertinent aussi, la troisième clé qu'on va mentionner ici, qui va nous aider à mieux comprendre cela aussi. Lorsqu'Allah Jalla dit qu'il est celui aussi qui a la connaissance de ce qu'il y a dans les matrices des mères ou bien dans l'utérus, si vous voulez. Allah donc est celui qui a la connaissance de ce qu'il y a dans l'utérus. Et le pluriel donc c'est Rahim, et le pluriel c'est Arham. Arham al-Adamiyin, wal-Adamiyin, wa-ghayrihim. Et Allah Jalla donc est celui qui a la connaissance de cela. Ma mutaallaqu al-ilm. Maintenant, quelle est cette science-là de l'inconnu est liée à quoi? Regardez, le shir ici va nous expliquer. Est-ce que la connaissance de ce qu'il y a dans l'utérus ou la matrice de la mère, est-ce que c'est lié à la connaissance? Est-ce que par exemple l'embryon deviendra ensuite un garçon ou bien une femme, une fille? Ou bien si c'est pour une bête, est-ce que par exemple ce qu'il y a dans le ventre de cette bête, est-ce que ça sera un mâle ou bien une femelle? Est-ce que lorsqu'on parle de la science de l'inconnu, la science de ce qu'il y a dans la matrice ou dans l'utérus, est-ce que c'est lié à ça ou à autre chose? Ou bien à la situation de l'embryon selon tous ces aspects? Selon tous ces aspects. La réponse, c'est la deuxième. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ici juste savoir est-ce que ce sera un mâle ou une femelle, mais c'est lié à tous les aspects, tout ce qui est lié à l'embryon. Le seul qui en a la connaissance est Allah subhanahu wa ta'ala. لأن أحوال الأنوثة والذكورة تعلم. يعلمها غير الله جل وعلا فالملك الذي يؤمر بأن يخلق هذا الجنين. Par exemple, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit que la connaissance que ça sera un mâle ou une femelle, ou bien un garçon ou une fille. Allah Jalla en a la connaissance, mais d'autres peuvent en avoir la connaissance. C'est pour cela que lorsqu'on dit qu'Allah Jalla a la connaissance de ce qu'il y a dans l'embryon ou dans l'utérus de la mère, ça ne veut pas sous-entendre seulement est-ce que l'enfant sera garçon ou fille. Pourquoi? Parce que d'autres qu'Allah peuvent en avoir la connaissance. Peuvent en avoir la connaissance. Pour cela, il dit, Fel Malakou, par exemple, l'ange. L'ange, par exemple, الذي يؤمر بأن يخلق هذا الجنين ذكرا أو أنثى يعلم، لأن الملك يقول يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي الله ما يشاء، فيقضي الله ما يشاء. إذن فالملك يعلم بأن ما في الرحم ذكر أم أنثى، ذكر أم أنثى قبل أن يخرج. Et c'est pour cela qu'il dit, par exemple, l'ange, par exemple, il y a un ange qui vient, et l'ange, lui, par exemple, a la connaissance que cet embryon, est-ce qu'il deviendra un garçon, une fille, un mâle ou une femelle ? L'ange en a la connaissance. Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit dans un récit qui est rapporté par l'imam Muslim, min hadith ibn Mas'ud, que l'ange demandera au Seigneur, est-ce que cet embryon sera un dhakar ou bien untha, un garçon ou bien une fille ? فَيَقْضِ اللَّهُ مَا يَشَى. Et ensuite il est dit dans le récit, et Allah décidera, décrétera ce qu'il veut. Idan, donc l'ange par exemple, on a la connaissance ensuite. Donc cet embryon qui est dans la matrice de la mère, dans l'utérus, eh ben, l'ange a la connaissance, est-ce qu'il sera donc mâle ou femelle. Ensuite aussi, avec les nouveaux procédés modernes, avec l'avancée de la science et des nouvelles technologies, on voit qu'avec certains outils, on peut voir, avec une échographie par exemple, des médecins maintenant peuvent voir, lorsqu'ils font une échographie, est-ce que l'enfant, cet embryon-là, ensuite lorsqu'il arrive à une certaine phase, est-ce que c'est un garçon ou bien est-ce que c'est une fille ? فنقول إذن, donc Cheikh dit, متعلق العلم بالجنين ليس هو الذكورة أو الأنوثة. C'est pour ça qu'il dit que ce qui est lié à la science de l'inconnu, de l'invisible ici, ce n'est pas est-ce que l'embryon deviendra mâle ou femelle. Ce n'est pas ça. لأن الذكورة والأنوثة إذا خلق الجنين فصار ذكرا أمكن العلم به. Pourquoi ? Parce que arrivé une phase, l'embryon, eh ben, est-ce qu'il deviendra mâle ou femelle, fille ou garçon ? Ça, il y a des procédés qui font qu'on peut en avoir la connaissance. وكذلك إذا صار أنثى ولكن نسأل أولا. Par contre, ce qu'il faut savoir, الجنين له متعلقات. له متعلقات. Donc le جنين, par contre, ce qui est lié à la connaissance de cet embryon-là, ce qui est lié à sa vie, il n'y a pas seulement est-ce qu'il sera mâle ou femelle. هل هذا الجنين سيخرج حيا أو ميتا. Mais il y a d'autres aspects à considérer. Premièrement, est-ce que cet embryon sortira vivant ou mort ? Par exemple, est-ce qu'ensuite, après une phase, lorsqu'on lui insufflera, Allah Jalla Wala va décréter que la vie lui soit insufflée, est-ce qu'il sortira du ventre de sa mère vivant ou mort, par exemple ? Man ya'lam, qui est-ce qui sait cela ? Est-ce qu'il sortira vivant ou mort ? Allah Jalla Wala en a la connaissance. C'est à tout le hayatu. Le fait que cet enfant ensuite, lorsqu'il sortira du ventre de sa mère, est-ce qu'il vivra longtemps ou pas longtemps ? Est-ce qu'il aura une longue vie ou une courte vie ? Ça, même avec tous les moyens et tous les nouveaux procédés, même avec l'évolution et l'avancée des sciences et de la nouvelle technologie, avec toute cette avancée-là et tous ces progrès scientifiques, on ne peut pas avoir la connaissance. Est-ce que, ensuite, cet embryon qui deviendra un enfant ensuite lorsqu'il sortira du ventre de sa mère, alors est-ce qu'il vivra longtemps ou il vivra une vie courte dans cette vie ? Man ya'lam, qui est-ce qui en a la connaissance ? C'est Allah. Est-ce que, par exemple, ensuite, est-ce que cet enfant, سيكون غنياً أو فقيراً, est-ce qu'il vivra riche ou bien pauvre ? Est-ce que sa vie, ça sera une vie de riche ? Ou bien est-ce qu'il vivra modestement ? Il serait pauvre ? Qui est-ce qui en a la connaissance ? Est-ce qu'avec les nouveaux procédés et la nouvelle science et les nouveaux outils, les progrès technologiques et de la nouvelle science moderne, est-ce qu'on peut savoir cela ? Est-ce qu'il vivra riche ou pauvre ? Personne n'en a la connaissance, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Man ya'lam, Allah, siyakun aliman ou jahilan. Par exemple, est-ce que cet enfant, l'avenir de, à la base qui est un embryon, l'avenir de cet embryon, est-ce que lorsqu'il va vivre et sortira du ventre de sa mère, est-ce qu'il sera savant ou bien ignorant ? Est-ce que c'est une personne qui va apprendre s'instruire, qui va être intelligente, ou bien il sera ignorant. Personne ne sait cela, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sa prédestinée, Allah jalla wa ala, sait cela. Si yakun amiran ou ma'mouran, est-ce qu'il sera un gouverneur ou bien un gouverné? Personne n'en a la connaissance, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le délai de sa mort, par exemple, à quel moment il décédera? Personne ne le sait. Donc vous avez vu, tout ça, c'est ce qui est lié justement à cet embryon. À cet embryon. Cet embryon qui est dans la matrice et donc dans l'utérus de sa mère. Qui est-ce qui a la connaissance de cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, qu'on a dit précédemment que le fait qu'avec des nouveaux, avec les nouveaux progrès de la science et les moyens modernes, qu'on puisse avec une échographie voir est-ce que l'enfant, eh ben, il est garçon, il sera un garçon ou bien une fille ou autre, parmi certains renseignements concernant El Janine. Par contre, cela ne veut pas dire qu'avec cela, avec ces nouveaux procédés, avec l'évolution de la science, on sera tout ce qui est lié à cet embryon qui est dans la matrice de sa mère. Ça, non. Seul Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. C'est pour ça que la science et les progrès modernes sont limités. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il y a des choses qui font partie des mystères, qui font partie de la science de l'inconnu, comme on a dit précédemment. Le seul détenteur de cela, de cette connaissance-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous enseigne. Ça nous enseigne à comprendre ici l'attribut de la science liée à Allah Jalla wa Ala. Qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui a la connaissance de tout. Et en l'occurrence, il est le détenteur de ces cinq clés. Ensuite, la clé suivante, la connaissance suivante, c'est Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Et la personne ne saura pas ce qu'elle obtiendra demain. Wa lam yaqul madha ta'mal. Et regardez donc, même ça, il faut bien le comprendre. La personne ne saura pas ce qu'elle obtiendra demain. Observez bien dans le verset, Allah Jalla wa'ala n'a pas dit, et la personne ne saura pas ce qu'elle va faire demain. Allah Jalla wa'ala n'a pas dit cela. Allah a parlé de ce qu'on appelle en arabe al-kasb. Et ça, c'est très subtil et important de faire la distinction. Donc regardez, Allah Jalla wa'ala n'a pas dit, et la personne ne saura pas ce qu'elle va faire demain. Allah Jalla wa'ala a dit, et la personne ignore ce qu'elle obtiendra demain. لأن الإنسان يقدر ماذا يعمل. Parce que la personne, il peut évaluer à peu près qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il projette de faire le lendemain. يقول سأسافر غدا أو سأذهب إلى الكلية أو سأختبر وما أشبه ذلك. لكن هل يدري أن هذا يتحقق ويكون كسبا له؟ Alors la personne, par exemple, il peut prévoir. Il peut prévoir ce qu'il va faire demain en disant, demain, par exemple, je vais voyager. Demain, je dois voyager. Donc il a un billet d'avion. Il a prévu que en cette date, en jour de demain, il doit voyager, par exemple. Ou sinon, il sait que demain, par exemple, il doit aller à sa faculté. C'est un étudiant, c'est un universitaire qui étudie en faculté. Donc le lendemain, il doit se rendre à sa faculté. Ou bien le lendemain, il a un contrôle. Ou bien un ikhtibar, un examen à passer. Donc, il prévoit que demain, il va passer son examen. Et il y a de nombreux exemples aussi qui peuvent illustrer cela. Pour cela, il n'est pas dit, l'individu ne sait pas ce qu'il fera demain. Allah Jalla Wala n'a pas dit ça. Mais Allah Jalla Wala a dit que l'individu ne sait pas ce qu'il obtiendra demain. Seul Allah Jalla Wala en a la connaissance. Pourquoi? Parce que l'individu, lui, il projette de faire certaines choses. Ça, c'est une chose. Le fait de projeter, de faire des choses, d'avoir l'intention de faire des choses, c'est une chose. Lakin, mais est-ce que cela sous-entend forcément que ces choses-là vont se réaliser et qu'il connaît réellement son acquisition et qu'est-ce qu'il va obtenir de ces choses? Qu'est-ce qu'il va obtenir de ces choses? Par exemple, est-ce que demain, il va passer un examen? Est-ce qu'il réussira cet examen? Est-ce que cela va être un bien pour lui? Qu'est-ce qui va se produire demain? Ça, il n'en a pas la connaissance. Par exemple, une personne qui a un projet de faire un commerce. Donc, le lendemain, il sait qu'il a des rendez-vous. Donc, il a un investissement. Il a des investissements. Il a des associés. Donc, il va investir. Il commerce. Est-ce que maintenant, ce qu'il va investir, est-ce qu'il va gagner? Ou bien est-ce qu'il va avoir des pertes? Ou bien est-ce qu'il a la connaissance certaine que ce qu'il fait est réellement un bien pour lui et qu'il va se prospérer, qu'il va avoir d'énormes gains. L'obtention, c'est ça ce qu'on appelle l'obtention, ce qui se produira, Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. Par exemple, ربما يكون هناك موانع تمنع من تحقيق ما أراد وربما يفعل ولكن لا يكسب بفعله شيئا فالكسب غدا لا يعلمه إلا الله عز وجل لا يعلمه إلا الله. Vous avez vu, parfois donc une personne projette de faire des choses, mais ensuite est-ce que ces choses, eh ben il va profiter de cela, bénéficier de gains ou autre, seul Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. Il peut avoir des mawani'a. Il peut avoir des mawani'a, des empêchements. Par exemple, une personne a projeté de voyager vers un pays, vers un tel endroit. Donc, il fait les causes, il voyage. Ce qu'il va advenir, est-ce que son voyage sera productif ou non, seul Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. Il peut avoir un empêchement en chemin. Un empêchement qui fait qu'il ne peut pas aller au terme de son projet. C'est pour cela que l'individu, il fait, il agit, met en application, ensuite la conséquence de ses agissements, est-ce qu'il va obtenir ce qu'il désire? Allah Jalla wa Ala, lui seul, en a la connaissance, lui seul en a la connaissance. Regardez par exemple, on a un très bel exemple ces temps-ci, en ces jours-ci, dans une période d'épidémie. Vous avez vu que beaucoup de sociétés aujourd'hui ont fermé. Beaucoup de sociétés ont fermé. Beaucoup d'investisseurs, eh ben, perdent chaque jour de grands investissements et autres. Qui est-ce qui en avait la connaissance? Est-ce que eux le savaient? Est-ce qu'il y a quelques mois, est-ce qu'il y a quelques temps, ils savaient qu'il y allait avoir une épidémie et puis de cette épidémie allait être la conséquence de pertes. Et de la fermeture de société, et que ça va être la conséquence d'une chute de l'économie. Les gens ne le savaient pas. Donc, des gens ont fait des investissements. Ils pensaient que ces investissements allaient être productifs. Et cela n'a pas été productif. Ils n'ont pas eu de bénéfices et de gains de cela. C'est ça ce qu'on appelle l'obtention. Personne ne sait ce qu'il obtiendra demain. Et d'autres parfois, ils obtiennent une chose dont ils n'en avaient point la connaissance et ils ne s'y attendaient pas. Comme ça, Allah Jalla wa Ala a la connaissance de tout. Donc c'est pour ça que dans le verset, il n'est pas dit, et l'individu ne sait pas ce qu'il fera demain. Puisque l'individu peut projeter de faire des choses. Donc il se dit, demain, il fera telle et telle chose. Maintenant, l'obtention, qu'est-ce qu'il va obtenir? Ce qu'on appelle el kasb, l'acquisition, c'est cette chose-là qui fait partie de la science de l'invisible et de l'inconnu. Et seul Allah Jalla wa Ala en a là. On a la connaissance. Ensuite, Allah Jalla wa Ala dit, ensuite, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et la personne ensuite ne sait pas en quelle terre elle mourra. حَتَّى لَوْ أَنَّ الْإِنسَانَ قَرَّرَ أَنَّهُ لَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَلَدِهِ وَكَانَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَدْ قَدَّرَ أَنْ يَمُوتُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَلَابُدَّ أَنْ يُقَدِّرَ اللَّهُ تَعَالَى سببا ينتقل به الى البلد الاخر واذا كان لا يعلم باي ارض يموت مع انه يمكنه التنقل فهو لا يعلم في اي وقت يموت من باب اولى. Donc regardez, ça c'est la cinquième clé, le fait que l'individu ne sait pas en quelle terre il décédera. Il ne sait pas quand est-ce qu'il mourra et donc il ne sait pas aussi en quel endroit il va décéder. Par exemple, Echir nous explique ici. Il dit par exemple, une personne a pris une décision de ne pas sortir du pays dans lequel il vit. Donc par exemple, une personne qui a grandi, qui a évolué dans un pays, ensuite lui, il a pris la décision de ne pas voyager de ce pays, de ne pas sortir de ce pays. Lui, il a pris la décision de rester dans cette terre, dans ce pays, et d'y mourir. Donc lui, il a pris la décision. Mais qu'est-ce qui lui dit? Donc le fait qu'il prenne une décision, il projette cela, c'est son intention. Qu'est-ce qui lui dit que réellement, sa mort se produira à cet endroit? Il ne sait pas. Même si lui n'a pas décidé de quitter cette terre, même si lui n'a pas projeté, s'est pas projeté de voyager pour mourir ailleurs ou autre, il ne peut pas il ne peut pas prétendre d'une manière certaine qu'il va mourir dans cet endroit ou en cette terre. Pourquoi? Parce que le seul qui en a la connaissance est Allah. Pourquoi? Parce que Allah, Jalla wa Ala, malgré que cette personne n'ait pas l'intention de sortir de ce pays, par exemple, Allah, lui, peut prédestiner, peut décréter que pour une cause précise, cet individu sera obligé à un moment donné de voyager, de sortir de cette terre. وَيَنْتَقِلْ بِهِ لَبَلَدٍ آخَرٍ وَإِذَا كَانَ لَا يَعْلَمْ. Et de ce fait, Allah Jalla wa Ala peut décréter qu'il mourra en cette terre. Donc Allah Jalla wa Ala est le seul à savoir quel va être cet endroit où décédera l'individu. Donc beaucoup de gens ont fait des projets qu'ils voudraient décéder à tel endroit. Est-ce qu'ils mourront à cet endroit bien précis? Peut-être, peut-être, si Allah l'a prédestiné et l'a décrété. Ou bien ils pourront mourir dans d'autres endroits. Combien de gens qui ont été pris soudainement et qui sont décédés et morts dans des endroits où ils ne s'y attendraient jamais? Qui sont morts dans des pays, dans des contrées, ils ne s'y attendaient jamais de mourir à cet endroit-là. Regardez, même là, on a encore un exemple avec la période actuelle que les gens vivent en période épidémique. Regardez, de nombreux morts, chaque jour il y a des morts. Aujourd'hui, par exemple, des gens se font enterrer, par exemple, au cimetière de Thiers, ou bien se font enterrer dans des cimetières en Île-de-France. Les gens qui se font enterrer, beaucoup d'entre eux ne savaient pas, n'auraient jamais pu imaginer qu'ils allaient être enterrés en cette terre, qu'ils allaient être enterrés par exemple au cimetière de Thiers ou ailleurs encore. Ou ailleurs, il y a des gens qui ont voyagé dans des pays, qui sont décédés dans ces pays, sont morts et enterrés dans ces pays. Ils n'auraient jamais imaginé, si des années en avance on leur a dit que vous allez décéder, mourir et être enterré dans ces endroits, ils n'auraient jamais pensé à cela. Le seul qui détient la connaissance de cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'individu, il peut avoir des volontés. Ça n'empêche pas que l'individu peut avoir des volontés. Il peut projeter, désirer. Il peut désirer une terre où il veut être enterré, il veut mourir. Il peut désirer ces choses-là. Mais ensuite, la réelle connaissance, où est-ce que réellement sa mort va se produire et où est-ce qu'il sera réellement enterré, ça fait partie de l'inconnu. Et ça justement, ça nous exhorte et ça nous incite donc que si une personne, il a une terre où il décide, où il désire être enterré et y mourir, alors il faut qu'il invoque son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il invoque celui qui en a la connaissance et le pouvoir de prédestiner cela et décréter cela qui est notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu tous les bénéfices qu'on tire de ce savoir-là, le fait de savoir qu'Allah, Jalla wa Ala, est le détenteur de cette science parfaite et éternelle, le fait que ça aide le croyant, justement, à revenir et à faire confiance à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et donc d'implorer son Seigneur, Jalla, Jalalu. Et après qu'on ait expliqué cela, donc si l'individu ne sait pas à quel endroit il décédera, alors à plus forte raison, il ne connaît pas le moment et la date précise de son décès. C'est pour cela que après tout cela, lorsqu'on a étudié ces clés de l'inconnu et des mystères, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas croire aux voyants. Les voyants ne peuvent pas prédire ces choses-là. Ils ne peuvent pas prédire à quel moment l'individu mourra, à quel moment l'individu décédera, en quelle terre il décédera. Cela, on ne peut pas prédire cela. Et donc, faites les nuances, toutes les nuances qu'on a expliquées au début du cours. Lorsqu'on a parlé, par exemple, en ce qui concerne la descente de la pluie, lorsqu'on a dit le fait de faire des prévisions, les prévisions météorologiques, et le fait de regarder l'atmosphère, les conditions atmosphériques, et par rapport aux nuages, par rapport à l'observation avec les nouveaux outils liés au progrès scientifique contemporain, que faire des prévisions, cela est permis. Tant qu'on lit cela à la volonté d'Allah en disant « Inch'Allah ». Par contre, il y a des choses plus profondes, exactement quand est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a décrété que cela descende, personne ne le sait. Personne ne le sait. Si demain, par exemple, Allah Jalla wa Ala décide qu'il y ait un tremblement de terre dévastateur, Allah Jalla wa Ala est celui qui en a la connaissance. Et c'est pour ça qu'il faut faire là, il faut bien comprendre les nuances. C'est pour ça que j'ai insisté sur la traduction de ce passage du Shir. C'est pour ça que ça va nous mener, comme on a dit précédemment, à nous remettre complètement Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour cela, vous avez vu, personne ne peut prétendre la connaissance de cela et prétendre la connaissance de ces choses qu'on a mentionnées et qui sont mentionnées dans le verset, c'est s'associer au Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on voit que les voyants qui prétendent prédire l'avenir ou autres, ce qu'on appelle les devins, cela est interdit religieusement. Et ce qu'ils disent n'est pur mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de cela. C'est pour ça que dans un hadith, le prophète Sassam nous dit que celui qui se rend chez un voyant et le questionne, juste le fait qu'il questionne un voyant, le fait de se rendre chez un voyant et de le questionner, dans un récit, le prophète Sassam nous dit que sa prière n'est pas acceptée 40 jours. Pendant 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. Donc le musulman n'accorde pas foi, ne croit pas aux prétentions des voyants, des devins, ce qu'on appelle en arabe al-kahin ou al-kahana. Le croyant ne croit pas en cela. Il sait que tout cela est prétention et mensonge. Donc le prophète dit seulement le fait man ata kahinan, celui qui va chez un voyant, wa sa'ala, et il lui l'interroge, il lui demande au sujet d'une chose, même s'il le fait par curiosité ou autre. Le musulman n'a pas le droit, juste le fait de poser la question, sa prière n'est pas acceptée 40 jours. Et dans un récit, le prophète Sansam nous dit, là il y a une nuance, celui qui va chez un voyant, qui l'interroge, et il accorde foi, il croit en ce que dit le voyant. Alors là, on a une chose en plus, c'est qu'il croit en ce que dit ce voyant. Alors là, le prophète sallam dit « Faqad kafara bima unzila ala Muhammad ». Il a certes mécru à ce qui est descendu sur le prophète Muhammad, alayhi salat wa salam. Donc c'est pour ça que vous faites la distinction entre le fait de poser la question seulement, poser la question, que ce soit par curiosité ou autre, juste le fait de poser la question à un voyant, alors la prière de celui-ci n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et dans un autre récit, le prophète dit, si maintenant il pose la question à ce voyant, et il croit, il accorde foi à ce que dit ce voyant, alors là, il a certes mécru à ce qui était descendu au prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que le croyant sait que cela fait partie de la science et des clés de l'inconnu. Et seul Allah, Jalla wa Ala, en est le détenteur. C'est pour ça qu'on ne peut pas croire en cela. C'est pour ça que certains savants font même un rappel aussi en ce qui concerne l'horoscope. Le fait juste de consulter l'horoscope, les savants considèrent que c'est comme si on se rend chez un voyant et on le questionne. Et que cela se fasse même par curiosité. Cela est interdit religieusement. Et c'est pour cela qu'il y a un grand bien. Dans les années précédentes, on voit que les maisons, les demeures des musulmans, des croyants, étaient remplies de toutes ces superstitions-là. Et par exemple, lorsqu'on rentrait dans les maisons des musulmans, la majorité des demeures, on voyait accrocher beaucoup d'idoles, de mains de Fatma, les gens consultaient l'horoscope, les gens consultaient les voyants, consultaient les devins. Lorsqu'ils font beaucoup de voyages qu'ils faisaient en Afrique, que ce soit en Afrique centrale ou bien en Afrique du Nord, au pays du Maghreb ou en Afrique, on voyait que les gens vraiment, vraiment étaient liés. Chaque été, ils allaient rencontrer les sorciers, les voyants, les devins, les maisons étaient remplies de statues, de talismans, d'amulettes, ce qu'ils appellent des gris-gris. Et on voit que, mashallah, par la grâce d'Allah, ces dernières années, avec la propagation de la science et du savoir, le fait qu'une grande génération s'est intéressée à cette religion-là, et ensuite a essayé de comprendre et de connaître cette religion, et lorsqu'ils ont commencé à étudier cette religion, ça a été la cause d'une grande lumière, une lumière qui s'est répandue. Walil al-Han, pourquoi? Parce que la science est comparée à une lumière. Le fait de cheminer sur un chemin qui est obscur et dont qui n'est pas illuminé est différent de cheminer sur un chemin illuminé, et donc il y a une lumière intense. Et c'est pour ça que cette science, lorsqu'elle s'est propagée, elle est rentrée dans les foyers et elle a pénétré les demeures des musulmans et des croyants. On voit que toutes ces superstitions ont commencé à, dans beaucoup de maisons, pas dans toutes les maisons, mais dans beaucoup de demeures, on voit qu'il y a eu la dissipation de beaucoup de ces choses qui font partie du temps du paganisme. C'est pour cela que ne serait-ce le fait, par exemple, de consulter l'horoscope, et sachez que l'horoscope, par exemple, c'est quelque chose qui vient à la base de l'astrologie. C'est un dérivé de l'astrologie. Et l'astrologie, ça date vraiment, ça date du temps de l'Antiquité. Et beaucoup disent que ça a commencé l'astrologie, que c'est né des millénaires, avant même le calendrier grégorien, avant même l'arrivée du prophète Isa, alayhi salam. Et donc, c'est pour ça que c'est très ancien. Et les gens, par exemple, qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie, c'était le fait que les gens observaient dans les sociétés très, très anciennes, hein, l'époque de l'Antiquité, et même avant, les gens observaient, par exemple, les astres, observaient le ciel et les différentes constellations avec les astres, et pensaient que les astres avaient une influence sur les événements et les faits qui se produisent sur Terre. Et c'est pour cela qu'ensuite, plus tard, des générations qui sont venues ont commencé à émettre des croyances au sujet des astres et des étoiles et des différentes constellations, et pensaient donc qu'ils avaient une influence sur les événements et les faits qui se produisent sur Terre. Et donc certains peuples ont commencé à les adorer, ont commencé à les adorer. Et c'est ça ensuite qui était donc ça a été lié aux croyances polythéistes. C'est pour ça que l'islam interdit cela. L'islam interdit cela et le croyant ne croit pas en cela. Celui qui décrète qu'une chose se produira sur terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les astres plutôt, les astres, les constellations, ce qu'il y a dans les cieux n'a aucune influence sur les événements qui se produisent sur terre. Et ça fait partie de la croyance des musulmans. Du fait, par exemple, les talismans ou des amulettes ou autres, le fait d'accrocher, par exemple, une main de Fatma à l'entrée d'une maison, en pensant que cette main de Fatma va protéger cette maison et sera la cause de la protection de cette maison, ça, c'est des superstitions. Ça, c'est faux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a jamais appris cela. Au contraire, le prophète nous a interdit cela. Celui qui protège, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Notre confiance, on la place en lui, subhanahu wa ta'ala. Une main de Fatma qui est faite de cuivre ou de fer ou d'autres matières ne peut pas protéger cette maison. C'est Allah, jalla wa ala, qui protège. Donc ensuite, de même, pour les talismans, on voit beaucoup de musulmans utilisent des amulettes, des sortes de talismans. Lorsqu'un enfant est malade, par exemple, on lui met un talisman, pensant que ça va être une cause de sa guérison. Ou bien autre, lorsque dans une maison, on attache des gris-gris et des talismans, pensant que ça va protéger. Tout cela, ce sont des superstitions dont le musulman accorde aucune foi en cela. Celui qui protège, c'est Allah, Jalla wa Ala. Donc ces talismans, ces amulettes, ne servent en rien. Et le jugement de cela, c'est que cela est interdit. Et ensuite, le jugement, est-ce que cela est du grand polythéisme ou du polythéisme mineur? Cela diffère selon les convictions. Si la personne a la conviction que c'est juste une cause, c'est une cause, par exemple, cette amulette, ce talisman, ce qu'ils appellent beaucoup appellent ça des gris-gris, est une cause pour qu'Allah, Jalla wa'ala, protège, par exemple, l'enfant ou protège cette maison ou protège, par exemple, on a une bête qui nous est chère, par exemple, une personne qui a un cheval ou un chameau, il lui met un gris-gris pour sa protection, pensant que par le biais de cette amulette ou de ce talisman, Allah Jalla Wa'ala va protéger cet animal ou cet enfant ou cette maison ou toute autre chose. Alors ça, c'est un polythéisme mineur. C'est un polythéisme mineur du fait qu'il considère que c'est Allah qui protège par le biais de ce talisman, de cette amulette. Donc là, cette amulette ou le talisman serait cause. Mais ça reste un polythéisme. C'est une forme de polythéisme mineur, nous enseignent les savants. Par contre, si on considère que le talisman en lui-même, indépendamment de la volonté d'Allah, protège et accorde protection, il peut être profitable et on peut tirer bénéfice de lui, indépendamment de la volonté d'Allah, ou bien il peut nuire, indépendamment aussi de la volonté d'Allah, cela est du grand polythéisme. Cela est un polythéisme majeur. C'est pour ça que les musulmans doivent se détacher de toutes ces superstitions, doivent se détacher de toutes ces choses qui n'ont pas été légiférées. Bien au contraire, le prophète ensemble nous a mis en garde contre cela. Et dans des hadiths qui sont authentiques, le prophète ensemble nous dit que les talismans, les amulettes font partie du shirk. Et le prophète a appelé cela tamaim. Tamaim fait partie des formes de polythéisme. Donc les musulmans doivent faire attention à cela, à ce qu'ils font pénétrer dans leur demeure. Et il n'y a aucun texte qui nous dit qu'une main de Fatma, par exemple, protège. C'est pour ça qu'on voit beaucoup qu'ensuite c'était une sorte de tradition de mettre des mains de Fatma sur le cou des enfants, sur le cou des plus grands, dans les maisons, en pensant que cette main va protéger des malheurs. Protéger, comme ils disent, de la poisse, protégé de toute forme d'affliction, de calamité, de catastrophe. Cela est faux. Le protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va conclure sur cela. Vous avez vu, le fait d'apprendre le monothéisme pur, ça nous libère. En réalité, c'est une libération pour l'être humain, pour le croyant. Pourquoi? Parce que le croyant est sous l'emprise de toute forme de croyance, de toute forme de superstition. Et le fait de croire en tout cela, eh ben, c'est être sous l'emprise et c'est être esclave. C'est être esclave de cela. Or, le monothéisme pur nous mène vers la servitude d'un Seigneur qui est unique. D'un Seigneur qui est unique, qui est le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça nous libère. C'est une libération de toute forme d'emprise. Et donc, le serviteur n'est point esclave de quiconque, que ce soit des superstitions, des croyances, que ce soit autrui. Imaginez-vous des gens qui sont sous la servitude, comme on a dit, qui sont esclaves de biens, de l'argent, d'autres qui sont idoles, qui sont esclaves, par exemple, d'idoles, de statuettes. Donc, ça fait de l'être humain quelqu'un esclave, soumis et sous l'emprise de choses qui n'ont aucun pouvoir, de choses qui n'ont aucun pouvoir. Et c'est pour cela qu'ensuite, on se rend compte que l'être humain a peur ensuite. A peur de choses aussi qui n'ont aucun pouvoir sur lui et donc il devient esclave. Et du fait que l'être humain ensuite ne sait pas où se tourner en période de détresse, d'affliction, et le fait qu'il est sous l'emprise de ces choses-là, de ces superstitions-là, c'est pour ça qu'ensuite beaucoup, beaucoup, eh ben, ne trouvent pas la voie du sauvetage et beaucoup ne connaissent pas ensuite la réussite. Et le succès, c'est pour ça que c'est très important. Et donc, vous avez pu voir que avec l'étude de cela, le croyant se libère de toute forme de superstition, de toute forme de paganisme. Walillahil hamd, wallahu a'lam. Et la prochaine fois, inchallah, on continuera encore sur l'explication de cela. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.